Le comité central du Front démocratique national anti-impérialiste a publié le 21 la déclaration « Nous engagerons à fond la lutte colossale pour réunifier la patrie en toute indépendance, suivant le grand programme du grand homme sans égal ». Elle dit notamment « La présentation par le maréchal Kim Jong-un de l'idée et de la ligne les plus justes pour réunifier la patrie et de l'orientation et des moyens de lutte concrets pour leur réalisation lors de l'historique congrès du parti » est un événement exceptionnel qui a marqué le nouveau jalon historique dans l'accomplissement de la cause de la réunification de la patrie et anime infiniment les populations sud-coréennes. La ligne, le projet, l'orientation et les tâches de la réunification indépendante énoncées par le maréchal sont le grand programme synthétisant les idées du président et du général en matière de réunification de la patrie et les développant davantage conformément aux vœux de toute la nation et à la demande de l'évolution de l'époque. C'est le drapeau combatif pour maintenir et appliquer parfaitement la triple charte de la réunification de la patrie et ouvrir le grand passage de la réunification indépendante. Les expériences et la leçon de l'histoire prouvent nettement que pour réunifier le pays, suivant les vœux et l'aspiration de toute la nation, il faut absolument maintenir les lignes et orientations du Parti travail de Corée en matière de réunification indépendante. Tous les Coréens doivent savoir que la réunification de la patrie est la tâche la plus précieuse et importante, transcender les différences de la région, du parti, de l'appartenance et des opinions pour engager la lutte pour réunifier la patrie. Tous les partis, fractions et populations doivent s'opposer résolument aux menées sécessionnistes du pouvoir conservateur, refusant la proposition des compatriotes sous prétexte injuste et œuvrer dynamiquement pour inaugurer une nouvelle ère de la réunification indépendante par la force unie. Tant qu'il y a l'imminente direction du maréchal Kim Jong-un, soleil de la nation, et le grand programme pour la réunification de la patrie, notre avenir est radieux et la puissance réunifiée la plus digne et prospère, forte de 80 millions de la population et de la capacité énorme, finira par apparaître sur ce sol.